bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio Isanganiro, votre station préférée. Bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée du journal en langue française de ce mercredi 24 février 2021. Tout d'abord les titres. Tir d'un policier sur un chauffeur de taxi derrière l'ex-marché du central de Bujumbura le soir de ce mardi. Des témoins rencontrés sur place disent que la victime aurait rendu l'âme sur le champ. Le porte-parole du ministère de la Sécurité parle, lui, de légitime défense. Pas de favoritisme dans l'octroi du travail pour les nouveaux percepteurs de taxes communales, affirme le porte-parole du ministère ayant l'intérieur et le développement communautaire dans ses attributions. Il parle en outre de plus de 300 000 jeunes diplômés sans emploi, répertoriés lors du recensement effectué au mois de septembre l'année dernière. La chronique parlera sûrement de ce mercredi, nous révèle le profil du leader manipulateur négatif. Vous suivrez dans ce journal le développement sur le sujet de Chartier Niungeko, expert en transformation et résolution pacifique des conflits. Voilà pour l'essentiel. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakizimana. Vous êtes au micro avec Armel Moutore. Rebonjour, page politique pour commencer. Le Sénat burundais demande à l'État de prolonger le développement, le délai de remboursement du prêt de 10 millions octroyé aux coopératives dont leurs projets n'ont pas pu être réalisés suite aux aléas climatiques et à la maladie. Lors des questions orales avec le ministre en charge du développement communautaire au palais du Congrès du Sénat ce mardi à Gitega, Gervain Ndirakobucha précise que de telles coopératives sont à soutenir. Le point avec Jean de Dieu Irakodze. Dans la séance des questions orales avec les sénateurs, le ministre ayant en charge l'intérieur a été interrogé en ce qui concerne les coopératives Sangwe ayant bénéficié du crédit pour les projets de développement collinaire de la part de l'État, notamment celles ayant déjà subi la perte involontaire, si elles peuvent bénéficier de la prolongation dans le remboursement, et au ministre de faire savoir que ces dernières sont à encourager. L'État du Burundi a accordé les emprunts aux coopératives Sangwe du pays. Par suite, vous êtes en train de faire un inventaire pour voir l'état de lieu de ces coopératives. Par conséquent, certaines collines ont connu des difficultés liées aux aléas climatiques et aux diverses maladies. Monsieur le ministre, n'envisageriez-vous pas de prolonger une période de paiement de ces crédits accordés à ces coopératives? Ils ont également demandé si les coopératives peuvent investir dans les autres domaines d'intervention autres que l'agriculture et l'élevage comme initialement prévu. Sur cette question, le ministre Ndirakobucha indiquant que le ministère sous sa responsabilité ne va pas constituer un obstacle. Les sénateurs ont aussi demandé le sort de l'argent ayant transité via certaines microfinances et n'ayant pas arrivé aux collines à destination. Le ministre indiquant lui-même qui n'a jamais connu la source et qui va trouver solution à ce problème. Accroître la production est la raison pour laquelle l'État burundais a investi dans le projet de développement collinaire, précise Gervain Ndirakobucha, ministre burundais ayant le développement communautaire dans ses attributions. Depuis Gitega, Jean de Dieu Irakoze, Radio Isanganiro. Merci Jean de Dieu, il a causé page gouvernance pour poursuivre ce journal. Plus de 300 000 jeunes diplômés sans emploi ont été recensés dans le pays durant la période accordée par le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions à partir du 12 septembre dernier. Le porte-parole de ce ministère informe que la compétence est l'un des principaux critères de choix des nouveaux percepteurs de taxes communales. Pierre Mouriquier affirme en outre qu'il n'y a pas de favoritisme. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Tous les jeunes ne peuvent pas être utilisés dans cette activité, mais il y a d'autres activités qui sont prévues pour employer ces jeunes. Et donc pour le moment, les critères, c'est d'abord la compétence, donc ceux qui se sont présentés les premiers lors du recensement, mais aussi ceux qui ont manifesté vraiment de la compétence dans les différentes tâches qui ont été confiées à ces jeunes, surtout dans les premières activités qui ont été données. Mais aussi ceux qui se sont présentés les premiers, que ce soit au niveau du recensement ou alors dans les différents appels qui ont été adressés à ces jeunes dans les différentes localités. Est-ce qu'il y a de la transparence, une certaine opinion qui dit qu'on donne du travail selon des affinités familiales ou politiques? Oh non, vous savez, quand il y a l'offre est inférieure à la demande, il y a toujours des mauvaises langues. Vous savez, il n'y a pas moyen de les employer tous au même moment dans cette activité. Donc, il faut absolument choisir. Et l'essentiel, c'est que même ceux qui ne sont pas employés, on va chercher des activités pour eux. Vous avez entendu au niveau du gouvernement qu'il y a toute une politique de pouvoir mettre ces gens au travail. Si donc aujourd'hui il n'est pas choisi, eh bien il va l'être dans les jours à venir. C'était le porte-parole du ministère ayant le développement communautaire dans ses attributions qui s'entretenait avec notre consoeur Mireille Kanyangé. Poursuivons ce journal. Aucune saisine ne sera possible à partir du 13 mars 2021, annonce de l'honorable Félicien Ndou Burundi, président de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, le président de la CNTB a indiqué que la CNTB continuera à traiter les dossiers lui soumis avant cette date. Jean-Marie Mayonga a suivi la conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, honorable Félicien Ndou Burundi, président de la Commission nationale des terres et autres biens, a annoncé que la commission continuera à traiter toutes les affaires qui lui ont été soumises avant la date du 13 mars, tant au niveau national que provincial. Aucune saisie ne sera pas possible à partir du 13 mars 2021. Il est recommandé au président des délégations provinciales d'en tirer les conséquences. Néanmoins, la commission continuera à connaître de toutes les affaires soumises avant cette date-là par des sinistrés ou des occupants secondaires, tant au niveau provincial que national, en vue de la restitution de leur patrimoine. Honorable Félicien Ndou Burundi, président de la CNTB, il rappelle les gens au respect de la commission et de la loi qui la régit au moment où il y a ceux qui font sourde oreille aux décisions déjà prises. La CNTB met en garde ceux qui se mettent à dire n'importe quoi. La commission attire l'attention sur les points suivants. Le respect de la commission et de la loi qui la régit. D'autant plus qu'il y en a qui font la sourde oreille aux décisions qu'elle prend, surtout quand il leur est demandé de suspendre les activités dans des endroits litigieux. Le refus d'être notifié des décisions pour les parties en conflit visa à attendre la fin du mandat de la commission en vue de s'éterniser dans les biens d'autrui. La situation des gens s'étant forgée en prétendu commissionnaire et représentant l'une autre partie au conflit qui, quand ils sont déboutés, se mettre à dire du n'importe quoi. La commission saisit cette occasion pour les mettre en garde. Honorable Félicien Ndou Burundi a rappelé également que dans son article 31, il est souligné que le mandat de la CNTB est de 3 ans à compter du 13 mars 2019, c'est-à-dire que la fin du mandat de la Commission nationale des terres et autres biens est prévue le 13 mars 2022. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h passées de 4 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Poursuivons ce journal. Les habitants de Nyamitanga en commune Buganda de la province Cibitoke se plaignent que leurs parcelles ont été récupérées par leurs voisins de la République démocratique du Congo suite à la déviation de son lit par la rivière Rusizi. Le gouverneur de la province Cibitoke indique qu'il a soumis ce problème au sein du ministère ayant l'environnement dans ses attributions et la commission Ewe Burundurambaye. Dans l'attente d'une solution durable, Karim Bizoza conseille les habitants de cette localité de respecter les normes environnementales pour toute activité exercée tout près de la Rusizi. Suivez-le au micro d'Yvette Nijimbere. On est au courant de la situation. C'est à partir de l'année passée, il y avait beaucoup de pluie, la pluie était en abondance. Alors, il y a quelques endroits où l'eau a dépassé les limites et a dû dépasser dans le secteur du territoire du Burundi. Mais on a essayé de faire des barrages pour que ça retourne, mais en vérité. Mais ce qu'on en pense, c'est qu'on a déjà quand même informé le ministère de l'Environnement. On a informé le projet Ewe Burundurambaye pour qu'il prenne la responsabilité, pour qu'il étudie le moyen, le mécanisme de stopper cet envahissement de la rivière Rusizi. Mais tout cela a eu lieu pourquoi? Oui, on sait que c'est à cause de la pluie qui était en abondance et que la Rusizi a débordé. Mais quand même, la population, on leur insiste de ne pas cultiver jusqu'au bord de la Rusizi. Parce que si ils cultivent jusqu'au bord de la Rusizi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la force qui peut quand même bloquer la force de la pluie. Donc, on a demandé que tout le monde, là où ça n'est pas encore dépassé, il faut que quand même la population puisse cultiver, mais en respectant les ordres donnés par les gens qui sont chargés pour la qualité de l'élevage. Vous n'avez pas des inquiétudes selon lesquelles les terrains des habitants de la province Chibitoke puissent appartenir à la République démocratique du Congo? Oui, nous avons cette inquiétude. Peut-être, parce que ce n'est pas nous qui devons le protéger, cette rivière, pour qu'il ne puisse pas dépasser et entrer dans le secteur du Burundi. Mais pendant la saison sèche, il y aura quand même les activités qu'on va demander au gouvernement qu'on puisse quand même protéger cet endroit. C'était Karem Bizoza, gouverneur de la province Chibitoke, qui s'entretient avec Yvette Nijimbere. Page sécurité à présent, je vous le disais en titre, un policier a tiré sur un chauffeur de taxi en face de l'ex-marché central de Bujumbura le soir de ce mardi. Des témoins rencontrés sur les lieux disent que la victime aurait rendu l'âme sur place. Au niveau de la police, l'on informe que la personne est encore en vie. Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions, explique qu'il s'agit de la légitime défense. Eleni Bere Nibigira était sur place. Voici son reportage. Il est 19h passé de quelques minutes, en face de la benne de, juste à côté de l'ex-marché de Bujumbura, sur le parking des bus de transport du sud de Bujumbura. Après une balle entendue sur les lieux, la population retrouvée sur place disait que la victime serait morte. D'autres gens sont emportés par la colère car ils voulaient passer à la justice populaire. Le policier qui allait être lynché par la population en colère est sauvé par ses collègues qui interviennent pour constater l'incident. Parallèlement, il s'observe des gens angoissés, des véhicules qui roulent dans tous les sens et des bousculades des gens qui cherchent à sauver leur vie. Par après, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire apporte des précisions. La victime est originaire de la commune Gisozi et n'est pas morte sur le champ. Selon lui, le chauffeur aurait bloqué la route et quand le policier s'y est refusé, a plutôt opté de le cogner, cherchant à lui arracher le fusil pour expliquer la légitime défense. Pierre Hurikiye a également informé qu'un officier de police judiciaire à Rohero s'est rendu sur les lieux pour enquête. Entre-temps, des informations en provenance de la famille de la victime confirment que le chauffeur qui a reçu la balle est décédé 23 heures de la nuit dernière. Nous avons contacté l'OPC 1 Désiré Ndouimana, conseiller chargé de la communication et des relations publiques au sein de la police nationale du Burundi, pour de plus amples informations, mais il nous a informé qu'il est encore à leur collecte. À Chibitoke, les bénéficiaires du projet Turashoboye de l'ONG Cordaide à travers l'ONG locale ERB dans les activités de la résilience rurale en province de Chibitoke demandent à cette ONG de continuer à les appuyer. C'est au moment où cette ONG a clôturé ce projet ce mardi. Au sein de l'ONG Cordaide, on demande à ses bénéficiaires d'appliquer les techniques acquises dans l'encadrement des populations environnantes, dans la prévention des risques et dans la protection contre les catastrophes. Les détails avec Alexis Ndairagic. Sur la colline Kiramira, ces bénéficiaires du projet Turashoboye de l'ONG Cordaide qui font face à l'érosion, au vent violent, ont pu planter des arbres, ont installé les courbes de niveau, ont creusé des fosses de récupération des eaux d'érosion. Sur la colline Nerusiga, où ces bénéficiaires du projet Turashoboye font face aux inondations et aux vents violents, ils ont érigé des canaux d'évacuation des eaux des inondations, ont soutenu les toits de leur maison, ont également montré les techniques de soutien aux autres habitants de cette localité afin de lutter contre la démolition des toits de leur maison suite au vent. Ces habitants de ces deux collines de la commune Rugombo saluent les efforts de l'ONG Cordaide à travers l'ONG ERB dans les activités de résilience rurale qu'elle a réalisées, tout en demandant de les accompagner dans la poursuite de leur projet Turashoboye. Jean-Marie Vianney, Sabiyumva de l'ONG Cordaid, demande à ses bénéficiaires du projet Tula Chavoyé d'encadrer la population environnante suivant les méthodes qu'ils ont eues sans toutefois tendre les mains aux bailleurs. Le gouverneur de la province Chivitoki, Karim Wizoza, quant à lui, demande à ces gens d'Okilamira et d'Orosiga d'être de bons leaders dans la lutte et la prévention contre les catastrophes liées aux aléas climatiques. Néanmoins, il souhaite que l'ONG Cordaid continue à appuyer d'autres collègues qui sont dans les zones à risque. Antoine Ndemako, directeur général de la police de la protection civile, exhorte tout un chacun de s'impliquer dans la prévention des risques et la protection contre les catastrophes. Le directeur général de la police de protection civile n'a pas hésité à conseiller aux autorités administratives d'être tout près de la population dans la tâche importante de la lutte contre les catastrophes naturelles, tout en demandant à l'ONG Cordaid d'appuyer toute la population nécessiteuse selon les moyens disponibles. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Parle. Rassure-moi. Dans la chronique de ce mercredi, nous vous parlons du profil d'un leader manipulateur négatif. Ce que vise un tel leader ainsi que ses stratégies pour arriver à ses objectifs nous sont expliquées par Chartien Young, éco-expert en transformation et résolution pacifique des conflits. Oben Yonghur. Tout leader manipulateur est toujours négatif, selon Chartier Nyungeko. Cet expert en transformation et résolution pacifique des conflits souligne qu'un tel leader n'a pas de vision. Un leader manipulateur est un leader qui n'a pas de vision. Ça veut dire que tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut manipuler le Japon pour arriver à ses propres intérêts. En deuxième lieu, c'est un leader qui n'a pas d'objectif. Quand vous essayez d'analyser ces discours ou ces messages, c'est que vous ne verrez jamais des objectifs. Concernant ces stratégies de manipulation, il explique qu'un leader manipulateur passe par des théories qui semblent être positives. C'est-à-dire qu'il peut passer par des idéaux qui semblent être positifs, tandis que ce sont des idéaux qui n'ont pas vraiment d'objectivité. C'est la manipulation. Donc, quand il est devant les gens, quand il essaie de partager ses perspectives ou ses opinions avec les gens qu'il dirige, il essaie de montrer qu'il est positif, il essaie de montrer qu'il a une vision, il essaie de montrer qu'il aimerait effectuer un changement. Mais quand vous essayez d'analyser bien ses opinions et d'analyser bien les idéaux qu'il promet, vous comprendrez que vraiment c'est des idéaux qui sont exemptes de réalité objective. Pour Chartier Nyungeko, un bon leader doit plutôt avoir une personnalité et une vision positive souhaitée. Face aux leaders manipulateurs, il recommande aux gens d'analyser ses idéaux avant d'adhérer à ses propos. L'attitude positive que je recommanderais aux gens à prendre face à cette manipulation, la première attitude, c'est qu'il faut être attentif, surtout face aux messages, face aux opinions de solidaires. C'est-à-dire qu'il faut analyser profondément les opinions, les idéaux, les objectifs de solidaires pour décortiquer ce qu'il veut réaliser. À part ça, c'est que il faut prendre un moment pour analyser aussi le gens qui l'entourent, parce qu'un bon leader s'entoure toujours de bons leaders, de bons conseillers. Un bon leader, fait savoir cet expert, doit donc être rassembleur et militer pour le bien-être de tous sans discrimination, même dans ses propos. Nous disons merci à Oben Yonghuru et à son expert Chartier Nyungeko pour cette chronique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute. Armel Moutor est à la présentation en collaboration avec Séraphine Hakizimana à la cabine technique. Vous souhaitons de passer un bon après-midi. Au revoir.